Serait-on sur le point d'observer le trou noir supermassif qui se trouve au centre de notre galaxie? Si tel n'est pas encore le cas, et l'observation ne pourrait être qu'indirecte, puisque par définition, un trou noir n'émet pas de lumière, on ne peut donc pas l'observer directement, eh bien les derniers résultats combinés de Gravity et de l'Event Horizon Telescope, un immense télescope par interférométrie dirigé vers le centre de la Voie lactée, ont permis aux astronomes d'approcher comme jamais de cet imposant objet de plus de 4 millions de masses solaires, des observations qui devraient par ailleurs permettre de tester une nouvelle fois la théorie de la relativité générale d'Einstein. Sagittarius à étoile, un peu plus près du trou noir, c'est l'obscur programme qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer le cas particulier de ce trou noir supermassif au centre de la Voie lactée et ce que l'on sait plus généralement de cette catégorie, de trou noir au centre des galaxies, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Françoise Combes. Bonjour. Bonjour. Vous êtes astrophysicienne, professeure au Collège de France, titulaire de la chaire Galaxie et Cosmologie. Et Guy Perrin, bonjour. Bonjour. Vous êtes astronome à l'Observatoire de Paris, directeur adjoint scientifique de l'Institut National des Sciences de l'Univers du CNRS et responsable France du projet Gravity, dont il va être abondamment en question au cours de cette émission. Vous pouvez suivre eh bien, cette émission comme tous les jours en direct sur les ondes de France Culture en différé sur le site franceculture.fr, en podcast sur votre application de podcast préférée, mais comme toujours en parallèle via notre fil Twitter @laméthodefc où on va poster un certain nombre d'images, de liens, de compléments d'informations et d'articles par rapport à ce qui va être dit tout au long de cette heure à ces micros. De quoi parle-t-on donc lorsque l'on parle d'un trou noir pour commencer et qui plus est d'un trou noir supermassif, nous sommes allés piocher dans notre boîte à archives comme chaque jour pour écouter ce qu'en disait l'astrophysicien Jean-Claude Péquer. C'était au micro de France Culture le 18 avril 1973. Je dois dire que mon opinion personnelle sur les trous noirs, c'est qu'il s'agit d'une théorie extrêmement intéressante. Théoriquement, les trous noirs sont possibles. Et il y a de bons arguments pour penser qu'ils existent. De bons arguments, j'en voudrais donner un simplement, si vous voulez, pour ne pas trop alourdir. Un bon argument a été donné par Cameron lui-même. Cameron a remarqué, il n'est pas le premier d'ailleurs, que la galaxie, notre galaxie, cette immense roue d'étoiles à laquelle appartient notre Soleil, notre galaxie a une masse qui est nettement trop faible compte tenu de son mouvement de rotation. Elle devrait avoir soit une vitesse de rotation plus forte, soit une masse plus forte. Or, la vitesse de rotation, on la mesure, elle est ce qu'elle est, et donc il y a quelque chose qui ne colle pas. Et Cameron dit, c'est pas étonnant, la masse est liée, mais elle est sous la forme de trous noirs. Il y a 4/5 de la masse de la galaxie qui se trouve là, mais invisible, n'envoie aucun photon, n'envoie pas de lumière, et se trouve là sous forme de trous noirs. Je dirais donc que le trou noir est une hypothèse ad hoc, si vous voulez, qui permet d'expliquer certains phénomènes, mais faire un diagnostic qui prouve qu'il y a un trou noir, je crois qu'on en est encore loin. Pour l'instant, il est déjà beau que la théorie ait montré la possibilité pour ces trous noirs d'exister. L'hypothèse du trou noir supermassif au centre de la galaxie, selon Jean-Claude Péquer, nous sommes en 1973. Comment est-ce que vous entendez l'un et l'autre aujourd'hui, en 2018, cette archive, Françoise Combes? C'est très intéressant d'entendre Jean-Claude Péquer ici, mais on a fait beaucoup de progrès depuis, puisqu'on a prouvé l'existence de ces trous noirs. En fait, il y a deux sortes de trous noirs. Peut-être qu'il pensait aussi aux petits trous noirs qu'il y a dans la Voie lactée, parce qu'en fait, il y a 300 milliards d'étoiles et il y a beaucoup d'étoiles qui meurent en explosant en supernovae. Et finalement, il y a peut-être parfois un trou noir qui se forme. Et ces petits trous noirs, en fait, ce sont presque des micro-quasars, c'est-à-dire des binaires, où il y a un trou noir et une étoile normale. L'étoile normale donne du gaz au trou noir. Ça donne un phénomène très lumineux. Ce sont des binaires X, en rayon X, en rayon gamma, etc. Et donc, on a la preuve qu'il y a des tas de trous noirs, peut-être des milliards de trous noirs dans la Voie lactée. Alors quand il pensait à la matière noire, il pensait peut-être à cela. Mais le trou noir supermassif au centre ne pouvait pas être la matière noire dont il parle, puisqu'il est au centre. Il ne correspond pas au halo de matière noire. Donc là, par contre, on a la preuve aujourd'hui qu'il y a des trous noirs supermassifs, un dans chaque galaxie. Il est proportionnel à la masse du bulbe, et ça c'est surtout le Hubble Space Telescope qui l'a montré. Guy Perrin. Alors, ce qui est très intéressant dans cette interview, c'est que, en fait, on est un an avant la découverte de Sagittarius à étoiles. Voilà. En 74, en 74, exactement. Donc, des radioastronomes ont pointé leur télescope vers le centre de la galaxie et ont trouvé plusieurs sources radio, hein, dont dans la constellation du Sagittaire, dont une extrêmement brillante et absolument pas du tout résolue. Alors, on n'était pas du tout à l'échelle de résolution des instruments dont on va parler aujourd'hui au cours de cette émission. Mais déjà, pour ces observatoires-là, et pour ces radiotélescopes-là, Sagittarius A étoile, puisque c'est comme ça qu'il était baptisé, A parce que la source la plus brillante dans le domaine radio dans cette région-là du ciel, et étoile parce qu'elle paraissait ponctuelle à l'échelle de résolution. Vous voyez, donc, on est un an avant cette découverte, et ça aurait été intéressant, je ne sais pas s'il s'est exprimé en public après cette découverte, de savoir comment avait évolué la pensée de Jean-Claude Pécard, parce que là, les pensées avancent avec les découvertes scientifiques en astronomie. Peut-être peut-on rappeler, François Combes, vous disiez, on parle en fait de trous noirs supermassifs pour ce trou noir qui est au centre des galaxies. Est-ce qu'il y en a au centre de toutes les galaxies? On en est 100% sûr, ça? Oui, de toutes les galaxies, quelle que soit leur forme. Surtout qui possède un bulbe, puisque la masse du trou noir, elle peut aller de 1 million de masses solaires, enfin, entre Sagittarius A star, on va voir, c'est 4 millions, et puis 1 milliard, même plusieurs milliards, dans l'amas de la Vierge, par exemple, il y en a même Messier 87, on a un de plusieurs milliards, mais on en est sûr parce que on a une relation de proportionnalité entre la masse du bulbe et la masse du trou noir, qui est à peu près 0,2%. Et donc chaque fois qu'on a un bulbe, alors évidemment s'il y a une galaxie qui est sans bulbe, on n'a pas encore l'évidence d'un trou noir. Peut-être qu'il y en a de masse intermédiaire, toute petite, mais on n'a pas encore l'évidence. Mais toutes les autres, oui, il y en a une dans chaque galaxie. Guy Perrin, ces trous noirs supermassifs, ce sont les mêmes objets que les trous noirs dits de masse stellaire? Ça a le même nom parce que ça définit exactement le même type de réalité ou pas tout à fait? Alors, d'un point de vue mathématique et physique, c'est la même chose. Voilà, c'est des objets compacts, tellement compacts, qui sont à l'intérieur de ce qu'on appelle le rayon de Schwarzschild, et qui fait que, par conséquent, ça ne peut être que des trous noirs. Voilà. Sauf si c'est un objet alternatif, un peu exotique. Mais voilà. Donc, de ce point de vue-là, c'est la même chose. Maintenant, du point de vue de l'origine du trou noir, c'est probablement extrêmement différent. Voilà. Comme l'a rappelé François tout à l'heure, on sait fabriquer des trous noirs stellaires. Par plusieurs mécanismes. Il y a le mécanisme qu'on retrouve au cœur des binaires. Pour des étoiles assez massives, on sait que ces étoiles explosent sous forme de supernovae, au-delà de 8 masses solaires, et une partie de ces étoiles finit en trou noir. Voilà, donc c'est-à-dire qu'il y a un effondrement gravitationnel, tout ça c'est documenté, la théorie est prouvée, on en est sûr. Exactement. Donc on sait que dans ce phénomène de supernovae, en fait, quand l'étoile s'effondre parce qu'elle n'a plus de carburant, voilà, il n'y a plus de carburant qui peut s'opposer en produisant la lumière à la gravitation, l'étoile s'effondre, eh bien les couches externes viennent appuyer en quelque sorte sur les couches les plus internes de l'étoile et exercer une pression considérable. Il faut une pression phénoménale. Pour faire un trou noir avec la Terre, il faut faire entrer la Terre dans un dé à coudre. Vous voyez, donc c'est pas humain. Mais donc il faut une masse considérable qui vient appuyer, presser très fortement par la gravitation sur une autre masse plus interne et qui vient faire rentrer cette masse à l'intérieur de ce rayon de Schwarzschild. Voilà. Pour les trous noirs supermassifs au centre des galaxies, manifestement, c'est pas que ce phénomène-là. Voilà. Il faut partir déjà de trous noirs suffisamment massifs pour qu'à l'occasion de rencontres de galaxies qui vont conduire in fine à ce que les trous noirs centraux fusionnent, eh bien, il faut que tout cela puisse se passer à l'échelle de l'âge de l'univers pour qu'on aboutisse aujourd'hui à des trous noirs supermassifs de quelques millions à quelques milliards de masses solaires. Oui. François Combes, justement, sur l'origine de ces trous noirs supermassifs au centre des galaxies, c'est comme dit Perrin, que des accrétions simultanées au fur et à mesure de l'histoire de l'univers, mais le point de départ de ces trous noirs supermassifs, quel est-il? Alors le point de départ, c'est encore un mystère, parce que le problème, c'est qu'on a observé très très près du Big Bang, donc quand on remonte le temps, hein, on observe très loin, on remonte le temps, et donc près, très près du Big Bang, c'est-à-dire à 5% de l'âge de l'univers, on a observé des quasars, donc les quasars, c'est les noyaux de ces galaxies, c'est les objets les plus lumineux du ciel, bien que ce soit les trous noirs, mais justement c'est les disques d'accrétion, la matière qui tombe sur le trou noir qui est très lumineuse. Qui est éjectée de façon perpendiculaire. Elle est éjectée voilà. Aussi de façon, mais avant d'être éjectée, elle tourne autour dans un disque d'accrétion, et c'est là qu'elle émet cette luminosité faramineuse. Et donc on permet ainsi de voir les quasars très loin. Donc à 5% de l'âge de l'univers, on voit des quasars qui ont déjà un milliard de masse solaire. Donc comment ont-ils formé? Parce qu'au départ, quand on n'avait pas vu ces quasars très loin, on pensait qu'il y avait commencé à faire des petits trous noirs de 10 000, 100 000, 1 million, et puis ensuite, peu à peu, il accrète de la masse. Alors, pas seulement avec des fusions, mais aussi avec du gaz et des étoiles qui tombent. Les étoiles sont avalées par le trou noir et elles sont recrachées en gaz. Et donc, tout ce gaz fait croître la masse du trou noir progressivement. Et on pensait que ça se passait progressivement, progressivement, et qu'on avait des milliards de masses solaires seulement aujourd'hui. Mais en fait, on l'a déjà à 5% de l'âge de l'univers. Et ça, ça pose problème. Et c'est intéressant parce que quand on se penche justement sur la formation de ces trous noirs, sur l'origine de ces trous noirs supermassifs, on se rend compte qu'ils ont peut-être, qu'ils ont même certainement, Guy Perrin, un rôle très très important au début de la vie de l'univers. Peut-être que c'est un peu grâce à eux que l'univers n'est pas opaque, par exemple. Ah, peut-être, peut-être. Je vous soumets cette hypothèse. Ça, elle n'est pas de moi, bien évidemment, mais peut-être pouvez-vous la commenter. Alors, je ne sais pas si c'est la raison, enfin, si c'est l'effet essentiel, mais ils ont potentiellement un rôle important pour matérialiser, en fait, les embryons de grandes structures qui sont créés au début de l'univers. Voilà, je peux répondre peut-être plus à la question opaque. Vous voulez dire la rayonisation de l'univers. Voilà, en fait. Par exemple. Et donc, la rayonisation, on pense que les quasars contribuent, mais pas beaucoup. Et donc on pense que l'essentiel de la rayonisation de l'univers, parce qu'en effet au départ, vous pensez à l'opacité, c'est l'hydrogène neutre qui absorbe tout. Voilà. Et donc, donc entre 380 000 ans où l'hydrogène se recombine et puis un milliard d'années où il y a complètement l'univers est complètement rayonisé, eh bien il y a la formation des premières étoiles. Ces premières étoiles rayonnisent et finalement ce sont les premières galaxies jusqu'à des galaxies naines qui font l'essentiel de la rayonisation. Alors, les quasars sont là un petit peu, mais c'est pas plus que 10%. D'accord. La rayonisation, c'est pour qu'on comprenne bien justement quand on parle de cet hydrogène primordial. En fait, l'univers est très opaque. On peut voilà. Il faut à un moment donné qu'il y ait des rayonnements puissants ionisants qui rendent l'univers transparent. Voilà, exactement. Il est transparent parce qu'il est fait de d'ions, protons, électrons, et non pas d'atomes d'hydrogène. L'atome d'hydrogène absorberait tous les rayonnements ultraviolets des étoiles et on ne verrait pas les étoiles et les galaxies. Donc, s'il n'y a plus d'hydrogène, le rayonnement des étoiles peut nous parvenir directement. Est-ce qu'on peut dire en quelque sorte qu'en tout cas, ces trous noirs supermassifs, ces tout premiers quasars, ils ont peut-être contribué à structurer à leur manière un peu le cosmos dans ces premières années, ces années, ça n'a pas de sens, dans ces premiers instants, Guy Perrin. Alors, probablement, mais Françoise est plus habituée à répondre que moi, mais probablement que lorsque les premières structures se sont créées, en fait, ces trous noirs se sont coagulés quelque part au centre de ces structures et ont joué un rôle dans les attractions relatives des grumeaux qui ont ensuite structuré l'univers tel qu'on le connaît aujourd'hui. En fait, je pense que c'est tout au long de l'âge de l'univers que le quasar, en fait, on compte sur les quasars pour éviter que toute la matière ordinaire qu'on appelle baryon tombe dans les galaxies. En fait, lorsqu'on fait une simulation numérique cosmologique, qu'on ne met pas de quasars, pas de trous noirs, toutes les baryons tombent dans les galaxies. On a des galaxies 10 fois plus massives qu'aujourd'hui. Ce que disait Jean-Claude Becker tout à l'heure. Oui. Alors là, il y avait aussi la matière noire dans l'hypothèse de Jean-Claude Becker, mais là, même la matière ordinaire, on aurait des galaxies beaucoup plus grosses en matière d'étoiles, hein, seulement les étoiles. Et donc, il faut absolument que le trou noir soit là pour pousser tous ces baryons de cette matière ordinaire, ils poussent le gaz. Alors il y a aussi un petit peu les étoiles, les supernovées poussent aussi. Donc ce qu'on appelle rétroaction des supernovées et des trous noirs, cette rétroaction pousse. Et en fait, c'est tellement important que 80% de la matière ordinaire est en dehors des galaxies, alors qu'elle devrait se trouver dans les galaxies. Donc il ne reste plus que 20% et même moins, parfois 10%. Toute la matière ordinaire est sortie des galaxies. On pense que les trous noirs sont incoupables. Et peut-être pour conclure cette introduction, j'ai lu aussi qu'on attribuait finalement à ces trous noirs supermassifs, et c'est un peu ce dont parlait aussi Jean-Claude Pécard tout à l'heure, finalement une sorte de régulation sur la taille des galaxies, c'est-à-dire qu'ils permettent de faire en sorte que les galaxies aient la taille qu'elles ont et non pas ne soient pas ces espèces d'objets informes qu'elles seraient. Voilà, sans ils régulent surtout la masse des étoiles, donc la matière ordinaire. Par contre, la matière noire, elle est aussi grande que prévu, hein, donc elle est 10, 20 fois plus grande que la matière ordinaire. Donc ça, le trou noir n'agit pas sur la matière noire. Par contre, il empêche les étoiles de se former, donc les galaxies sont plus petites par manque d'étoiles. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h15, nous parlons du trou noir supermassif qui se trouve au centre de la Voie lactée, Sagittarius A étoile. Nous en parlons avec Françoise Combes, qui est astrophysicienne, et Guy Perrin, qui est astronome. On m'en a dit, Guy Perrin, vous l'évoquiez tout à l'heure, Sagittarius A étoile a été identifié en 1974, au début comme une source d'ondes radio. À quel moment est-ce qu'on comprend qu'il s'agit en fait d'un trou noir supermassif? Quand est-ce qu'on fait le lien entre ces sources d'ondes radio très puissantes qui sont identifiées et le trou noir supermassif à proprement parler? C'est arrivé assez rapidement du fait que justement ce n'était pas un objet étendu mais qui paraissait assez ponctuel. Et du fait de sa localisation au centre de la galaxie, l'hypothèse du trou noir supermassif est arrivée assez rapidement. Voilà. Après, la difficulté c'était de caractériser la masse de cet objet. Et peser un objet dans l'univers, c'est assez compliqué. Alors, on peut y arriver par des méthodes assez indirectes. Pour le faire de manière directe, il faut avoir une information sur la dynamique. Et donc, pouvoir relier cette information sur la dynamique à la gravité imposée par l'objet central à son milieu environnement. Et donc ça s'est fait dans les décennies qui ont suivi, en allant regarder le gaz tout d'abord, et puis ensuite regarder directement des étoiles au plus près possible de Sagittarius à étoile. Peut-être faut-il réexpliquer en quelques mots, Françoise Combes, parce qu'un trou noir, on dit souvent et on pense qu'un trou noir, c'est précisément un endroit, une singularité de laquelle rien ne s'échappe. Quand on capte des ondes radio, ça veut dire que le trou noir émet tout de même quelque chose. Et pas en rien fait, du tout. C'est pas le trou noir qui émet. Voilà. Parce qu'en effet, le trou noir est entouré d'un horizon. L'horizon, c'est le rayon où justement la vitesse d'échappement est plus grande que la vitesse de la lumière. Donc tout ce qui est à l'intérieur de l'horizon ne sort pas, puisque rien ne peut aller plus vite que la vitesse de la lumière. Donc, par contre, tout ce qui rayonne est autour. Donc c'est un disque d'accrétion, c'est de la matière qui va tomber progressivement. Et comme justement en tombant sur le trou noir, elle libère une énorme énergie gravitationnelle, elle va rayonner en rayons X, en radio évidemment. Et on a toutes les longueurs d'onde. Et cette relation, en fait, entre radio et puis quasar, puisque les quasars ont été découverts en 1964, a été faite par Martin Schmidt. En fait, on avait plein de sources 3C, le Third Cambridge catalogue, et on n'avait pas encore fait la liaison avec l'optique. Ils avaient regardé en optique, ils avaient vu des étoiles. C'est pour ça qu'il y a un quasar, quasistar. Et puis ils ont fait l'optique, ce sont les fréquences visible. Visible, on appelle visible ultra-rouge, infrarouge et ultra-violet aussi, mais voilà, ce sont les longueurs d'onde visibles. C'est une optique qu'on avait à l'époque, en 1964, assez de résolution, enfin une seconde d'arc, alors qu'en radio, on avait beaucoup moins. Donc ils avaient vu qu'au centre de ces radiosources, avec des jets radio, il y avait une étoile. Et c'est Martin Schmidt qui a eu le génie de regarder le spectre de l'étoile, enfin la fameuse étoile. Il voyait que des raies bizarres, qui étaient très décalées vers le rouge à l'époque, on n'avait pas ces grands décalages vers le rouge qu'on a aujourd'hui. Et là, le premier quasar, c'était 0,1, le décalage vers le rouge, c'est-à-dire le delta lambda sur lambda, là, le décalage en longueur d'onde, en relatif, c'était 0,1, c'est pas beaucoup. Mais personne n'avait compris que tout ce spectre bizarre était dû au décalage vers le rouge, et Martin Schmidt l'a découvert en 64. Peut-être qu'il faut là aussi redire un mot de ce que ça signifie, le décalage vers le rouge. Le décalage vers le rouge, c'est lié immédiatement à la théorie de la relativité d'Einstein. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que ce décalage vers le rouge? Ce décalage vers le rouge, c'est dû à l'expansion de l'univers. L'univers est en expansion, ce que Hubble avait déterminé en 1930. Enfin, Hubble et Lemaître, puisque maintenant la loi de Hubble, c'est la loi de Hubble-Lemaître, comme on a décidé l'IAU cette année. Et donc, l'expansion de l'univers fait que toutes les tailles, le rayon de l'univers, l'univers se dilate, et la longueur d'onde des photons aussi. Donc le photon qui est envoyé en bleu, sa longueur d'onde dans l'expansion se dilate vers le rouge. Ça donne un effet d'effet Doppler apparent, mais c'est pas un effet Doppler, c'est la dilatation de l'espace. Donc tous les photons qui sont émis en bleu arrivent vers le rouge. Plus ils sont loin, plus ils sont décalés vers le rouge. Et donc là, on voyait des décalages de 0,1 en pourcent par rapport à la longueur d'onde originale. C'était peu, mais c'était quand même très nouveau en 64. Aujourd'hui, on a des décalages d'un facteur 8 et non pas de 0,1. Alors, on va revenir à Sagittarius à étoile, Guy Perrin. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui observer, quels sont, avec quel type d'outils, et qu'est-ce que l'on en sait, peut-être dresser une sorte de petite carte d'identité de ce trou noir supermassif tel que on le connaît aujourd'hui par rapport aux autres que l'on a pu observer dans des galaxies voisines ou lointaines d'ailleurs. Absolument. En fait, il y a beaucoup de moyens d'observation de Sagittarius à étoile. Il y a des moyens optiques, il y a des moyens radio, il y a des moyens millimétriques, il y a des moyens les rayons X. Voilà. Donc, tous ces moyens-là sont tournés vers cet objet, permettent d'en appréhender différentes échelles spatiales permettent de voir aussi différents types d'objets autour de Sagittarius A étoile, puisque pour voir Sagittarius A étoile, en fait, on regarde essentiellement autour et les objets qui rayonnent autour de Sagittarius A étoile. Donc, par exemple, dans le domaine des rayons X, vous pouvez voir des phénomènes extrêmement violents autour de Sagittarius A étoile, du gaz qui tombe sur le trou noir ou qui est chauffé par des mécanismes très énergétiques. Dans l'infrarouge, on peut voir aussi ces mécanismes, on peut voir également des étoiles qui tournent, si je puis dire, autour de Sagittarius A étoile. Voilà, donc ça, c'est des exemples d'observation. Après, on peut s'intéresser aux échelles auxquelles on observe. Donc, quand on observe, par exemple, dans le domaine des X, on va aller voir des échelles qui sont, même si elles ne sont pas résolues spatialement, on va voir des échelles qui sont petites, c'est-à-dire qu'on est à très petite distance de Sagittarius A étoile. Quand on va voir dans l'optique des étoiles, comme l'étoile S2, dont on parlera sans doute. Dans un instant. Voilà, ces étoiles-là sont à des distances bien plus grandes, 400 fois, 1000 fois, 10 000 fois, 100 000 fois, que ce gaz qui est très près de Sagittarius A étoile, mais nous apprend aussi des choses sur Sagittarius A étoile. Toujours le même mécanisme, parce qu'on regarde, en fait, on regarde au travers de ces étoiles la gravité de Sagittarius A étoile. On dit de Sagittarius A étoile que ce n'est pas un trou noir actif. Qu'est-ce que ça signifie, Guy Perrin ? Ça veut dire essentiellement qu'il n'y a pas beaucoup de masse qui tombe sur Sagittarius A étoile. En fait, par rapport au quasar dont parlait Françoise tout à l'heure, on estime aujourd'hui que la masse qui tombe sur Sagittarius A étoile, elle est essentiellement due à de la masse qui est perdue par des étoiles qui sont dans l'environnement de Sagittarius A étoile. Et en fait, on parle d'environ un millionième de masse solaire qui tomberait dans la direction de Sagittarius A étoile par an, voyez, donc c'est pas beaucoup. Voilà, c'est ce que perd une étoile typiquement de la masse du Soleil quand elle a évolué pendant 5 milliards d'années, voyez, donc c'est pas grand-chose. Voilà. Françoise Combes ? Oui, en effet, il jeûne notre quasar, il mange rien. C'est ça, il est à la diète. Il est à la diète, alors que la plupart des quasars, genre, quand ils sont quasars, ils rayonnent presque au maximum. Alors, il y a un maximum qui s'appelle luminosité d'Eddington. Eddington avait montré que lorsque le quasar est à son plein, il mange beaucoup, quelques masses solaires par an. À ce moment-là, la pression de rayonnement, parce que c'est tellement lumineux, la pression de rayonnement fait une pression qui compense la gravité et la matière ne peut plus tomber. Donc on est au maximum de ce qu'on peut rayonner. Et donc le Sagittarius A étoile est à 10-5 Eddington, donc on est vraiment très très petit. Notre voisine Andromède aussi, elle est très très peu active. Donc la plupart en fait des trous noirs qui nous entourent sont en train de jeûner. Des trous noirs supermassifs. Hein. Voilà, oui, trous noirs supermassifs. Et on estime qu'il y a à peu près 10% des noyaux qui sont actifs. Peut-être pour parler un peu aujourd'hui des deux instruments, et puis on va parler de cette fameuse étoile S2, il y a deux instruments qui sont braqués sur Sagittarius A étoile. Vous allez peut-être nous parler de celui dont vous êtes le responsable pour la France, Guy Perrin. Gravity, qu'est-ce que c'est que cet instrument et comment est-ce qu'il observe Sagittarius A étoile ? Alors Gravity, c'est un interféromètre comme l'autre, comme l'Event Horizon Telescope, mais qui fonctionne lui dans le domaine optique infrarouge à 2 microns 2 de longueur d'onde. Alors interféromètre, voilà. Vous allez nous redire ce que c'est, voilà. Exactement. Alors, l'idée est très simple, l'instrument est très compliqué, mais l'idée est très simple. Pour pouvoir observer à des échelles spatiales correspondant à la taille de Sagittarius A étoile, en fait, on a besoin d'un grand télescope, d'un très grand télescope. Voilà. Parce que la résolution angulaire croît linéairement avec la taille du télescope. Voilà. Pour Sagittarius A étoile, il faudra un télescope de plusieurs centaines de mètres de diamètre. Voilà, on ne sait pas faire. Voilà. Donc l'idée, c'est de faire un interféromètre où on utilise plusieurs télescopes séparés. Alors en l'occurrence, la OVLT de 140 mètres de 140 mètres. Very Large Telescope qui est au Chili. Le Very Large Telescope, voilà, c'est nos quatre télescopes de 8 mètres européens. Et donc en utilisant ces quatre télescopes séparés, mais de concert, de manière cohérente, dit-on en physique, eh bien, on réalise l'équivalent d'un télescope de 140 mètres de diamètre. Voilà. Donc c'est ça le principe de Gravity. Gravity donc observe dans l'infrarouge, est équipé de plusieurs sous-systèmes très importants qui permettent par exemple de corriger les effets de la turbulence atmosphérique qui vient détruire cette très belle qualité image. Donc, on dire que ça... Le VLT est en altitude pour ça. Hein. Alors le VLT est en altitude, 2800 mètres d'altitude, mais on n'est quand même pas au-dessus de l'atmosphère, donc on subit encore les effets de la turbulence atmosphérique. Donc on a pour ça des optiques adaptatives qui viennent corriger localement la turbulence atmosphérique. Et on a un autre système qui s'appelle un suiveur de franges qui permet aussi de corriger la turbulence à l'échelle de l'interféromètre et de stabiliser les franges d'interférence qu'on obtient au foyer de l'interféromètre. Voilà. Et avec ça, eh bien, on obtient cette information à très petite échelle sur Sagittarius A étoile et sur son environnement. Alors, parlez-nous de cette étoile S2. Quelle est cette étoile? Pourquoi est-ce que vous vous êtes intéressé à cette étoile? Expliquez-nous un peu, puis ensuite on va aller concrètement à l'Observatoire de Paris comprendre ce que sont ses résultats, mais expliquez-nous un peu quel est le protocole d'observation initial autour de S2. Alors, d'abord, S2, c'est une étoile qui est extrêmement précieuse. Elle fait partie de ces étoiles dites de la masse des étoiles S, une cinquantaine d'étoiles. Ce sont des étoiles assez jeunes, massives. On estime que la durée de vie de S2, c'est 6 millions d'années. Ouais, donc, elle a moins de 6 millions d'années. Elle fait à peu près entre 10 et 15 fois la masse du Soleil. Voilà. Mais elle est très précise, elle est très précieuse, pardon, pour nous, parce qu'elle passe au plus près du trou noir parmi toutes les étoiles connues autour de Sagittarius A étoile. Voilà. Et donc, c'est cette étoile qui nous sert de masse test pour aller sous-peser d'abord Sagittarius A étoile et aussi pour étudier des effets de relativité générale dus à Sagittarius A étoile sur l'étoile S2. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on la cajole et on était très anxieux de savoir si nous pourrions l'observer. Ouais. Oui, vous allez nous en reparler dans quelques minutes, mais on va aller essayer de comprendre exactement à quoi tiennent ces observations et comment elles se déroulent. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes donc rendu à l'Observatoire de Paris pour comprendre exactement avec quel degré de précision Gravity nous permet d'approcher de Sagittarius à étoile. Oui, j'ai rencontré quelqu'un que vous connaissez bien, Guy Perrin, en la personne de Thibaut Pomard, qui est responsable scientifique en France du projet Gravity. On a parlé ensemble des prouesses instrumentales que doit accomplir Gravity grâce à l'interférométrie pour observer ce qui se passe au plus près de Sagittarius A étoile. On a ensuite évoqué les résultats obtenus jusqu'alors, notamment concernant l'étoile S2 dont on parlait à l'instant, et ceux que l'on pourrait attendre dans un futur pas si lointain que ça grâce à Gravity. Quand on pointe dans la direction du trou noir, à l'heure actuelle, il y a depuis quelques années, dans ce même champ, une étoile qui est bien connue, qui s'appelle S2. Et S2, elle a la particularité de passer d'abord très près du trou noir, c'est-à-dire au plus près, elle passe à, je crois, 17 heures-lumière. Et donc ça, c'est à mettre en rapport avec la région que j'étudie de façon générale, qui fait 3 années-lumière. Donc 17 heures par rapport à 3 années, c'est petit, c'est vraiment petit. Le but qu'on s'est donné il y a 14 ans, c'est de mesurer des choses avec une précision de 10 microsecondes d'angle. Alors, on n'y est peut-être pas à 10 microsecondes d'angle sur chaque mesure, on est peut-être à une vingtaine de microsecondes d'angle, mais on est très près de ça. Et 10 microsecondes d'angle, ça représente la taille d'une pièce de 2 euros vue depuis la Terre posée sur le sol de la Lune. Ça représente aussi l'épaisseur d'un cheveu vu à 1000 km. Ça veut dire qu'on est en train d'essayer de voir un pouls tourné autour d'un cheveu placé à 1000 km de distance. Notre premier résultat, c'est d'avoir donc affiné avec cette précision-là, quelques dizaines de microsecondes d'angle, la position relative de l'étoile et du trou noir. En parallèle de ces observations astrométriques, où on mesure la position sur le ciel relative de l'étoile et du trou noir, on a aussi de la spectroscopie qui va nous permettre de mesurer la vitesse radiale de l'étoile, c'est-à-dire la vitesse à laquelle elle s'éloigne ou s'approche de la Terre. Et donc en ayant la mesure tous les mois de la position de l'étoile et de sa vitesse d'éloignement par rapport à la Terre, ça nous permet de mesurer avec une très grande précision son mouvement autour du trou noir. Et en fait, on a pu mettre en évidence un effet qui était prévu par la théorie, qui était vérifié sur Terre par des expériences, mais c'est la première fois qu'on le met en évidence autour d'un trou noir, et c'est la première fois qu'on le met en évidence de façon aussi simple. Cet effet, c'est le rougissement gravitationnel. La position des raies dans le spectre d'une étoile, ça nous permet de mesurer sa vitesse radiale. Et il se trouve que quand on est à proximité d'un corps massif, en plus de ce décalage dû à la vitesse de l'étoile, il y a un autre décalage qui est dû au fait que la lumière doit échapper au trou noir. Et du coup, la lumière perd un petit peu d'énergie en gravissant le potentiel gravitationnel, et est légèrement rougi en plus. Du coup, si on interprète simplement le décalage comme une vitesse, ce qu'on va voir, c'est qu'il y a un petit écart à ce qui serait prévu par l'orbite. Le télescope est au repos en ce moment, de septembre à mars, je crois. Quelles sont les prochaines mesures que vous allez effectuer? Qu'est-ce que vous allez essayer de découvrir autour de Sagittarius A étoile, le trou noir au centre de la galaxie? On a obtenu en fait un deuxième résultat déjà cette année. C'est ce qu'on a publié ce mois-ci en fait. Une fois qu'on a bien déterminé l'orbite de S2, on a pu regarder plus en détail si le trou noir lui-même bouge. Le trou noir, effectivement, on ne le détecte pas lui-même sur nos données. Ce qu'on voit, c'est quelque chose qui est très près du trou noir. Et ce qu'il y a, c'est que l'émission donc qui vient de très près du trou noir, elle subit des sursauts à peu près une fois par jour, qui durent à peu près une heure. Et en fait, le but de Gravity, depuis 14 ans, c'est de mesurer le mouvement propre de ces sursauts. Puisque, voilà, quand on voit une étoile tourner, ça nous informe sur l'espace-temps, sur les lois qui régissent la gravitation à l'endroit où est l'étoile. Et on avait envie de tester la gravitation, les lois qui régissent la gravitation, l'espace-temps, à proximité immédiate du trou noir. Et ce qu'on s'est dit en 2004, c'est que les sursauts du trou noir, ça pourrait peut-être être similaire à une étoile, en tout cas un blob de matière qui tourne autour du trou noir, et le fait de mesurer le mouvement du coup de ce blob pourrait nous donner des informations sur l'espace-temps très très près de l'horizon des événements du trou noir. On a observé plusieurs sursauts du trou noir avec Gravity, et en fait en soustrayant l'orbite de l'étoile S2 qui nous sert de référence pour le moment, on voit qu'effectivement cette émission elle bouge un petit peu au cours des sursauts, et on voit qu'au cours d'un sursaut, véritablement, le centroïde de l'émission se déplace et il ne suit pas du tout une ligne droite, c'est pas non plus aléatoire, on va vraiment faire quelque chose qui ressemble plus ou moins à un fer à cheval. Voilà. Notre interprétation pour le moment, c'est qu'il s'agit vraiment d'une orbite, c'est-à-dire qu'on a un objet qui se déplace autour du trou noir et qui a fait trois quarts d'un tour, mais pas encore tout à fait un tour complet. Et ça, c'est notre mesure à l'heure actuelle. Ensuite, on a la propagation de la lumière, on a la trajectoire de l'étoile, par exemple, de l'étoile S2. Pour le moment, la trajectoire de l'étoile S2, en fait, elle serait très bien décrite par les lois de Newton. Mais dans l'année qui vient, on devrait commencer à avoir un décalage par rapport aux lois de Newton et entrer dans le régime où vraiment il faut appliquer les lois d'Einstein pour prévoir et expliquer le mouvement de l'étoile. On parle de précession en fait. Tout se passe comme si on prenait simplement l'orbite elliptique prévue par Newton et au moment où l'étoile passe au plus près, eh bien cette orbite subit une toute petite rotation d'un angle assez faible pour ensuite revenir sur quelque chose qui ressemble beaucoup à l'orbite prédite par Newton. Ce décalage, il se fait au cours du temps, mais l'essentiel de l'effet a lieu au plus près du trou noir, quand on subit le plus fort potentiel gravitationnel, en fait. Et donc cette précession, qui a été détectée, en fait, pour Mercure, hein, qui est beaucoup plus faible, mais qui est connue pour Mercure, cette précession, là, on devrait la détecter pour cette étoile S2 au cours de l'année qui vient. Voilà, cette étoile S2, son observation via l'instrument Gravity, l'interféromètre Gravity, et les explications de Thibaut Pomard. Un mot peut-être, Guy Perrin, pour commencer, vous me disiez hors micro que vous attendiez ces résultats non sans une certaine émotion, avec beaucoup de suspense. Alors, c'est vrai. Donc l'instrument, en fait, on l'a imaginé en 2005. D'ailleurs, Thibaut était chez nos collègues du Max Planck Institute for Extraterrestre Physique à l'époque. Il était post-doctorant, pardon. Et nous l'avions imaginé ensemble. Et il y avait un certain risque parce que l'objet Sagittarius à étoile à observer, lui-même déjà, était 100 à 1000 fois plus faible que l'objet le plus faible jamais observé en interférométrie à l'époque, voilà, qui était déjà un exploit olympique, si je puis dire. Voilà, l'étoile S2 était grosso modo 100 fois plus faible. Donc la première fois où nous avons pointé Sagittarius à étoile et son environnement, ça c'était en mai 2016, en fait on ne savait pas si l'instrument allait être suffisamment sensible, et c'était binaire, c'était soit ça marchait, soit ça ne marchait pas. Voilà. Et peut-être l'histoire se serait arrêtée à ce moment-là. Donc il régnait une certaine tension, anxiété dans la salle de contrôle du VLT à Paranal à ce moment-là, et on a commencé à pointer une étoile qui est près de Sagittarius à étoile et près de l'étoile S2, qui nous sert d'étoile de référence, et c'est elle qui en fait va guider quelque part l'interféromètre et pouvoir stabiliser les turbulences et faire que nous allons pouvoir intégrer pendant plusieurs dizaines à plusieurs centaines de secondes. Voilà. Et donc quand on a vu qu'on pouvait utiliser cette étoile, déjà nous avons été soulagés, et ensuite nous avons déplacé une fibre de l'instrument, parce qu'on injecte de la lumière dans des fibres qui font une taille bien plus petite que celle d'un cheveu, quelques microns. Quand nous sommes déplacés vers S2 et que nous avons vu pour la première fois des franges d'interférence sur S2, alors là ça a été un soulagement phénoménal, et on a compris que l'histoire allait pouvoir commencer. François Combes, on peut dire qu'avec ces observations de S2, on n'a jamais été finalement aussi près de Sagittarius à l'étoile. Ah oui, oui, oui, ça c'est tout à fait. Sauf peut-être le sursaut là, qui est du gaz qui est 100 fois plus près de Sagittarius à l'étoile que l'étoile. Et donc, il nous apporte aussi énormément d'informations sur la nature de ce trou noir. On ne sait pas s'il est en rotation, s'il est fixe. Et donc, ça, on va le savoir bientôt. C'est ce qu'on entendait et on attend encore de... Parce que les données, elles ont été enregistrées et maintenant c'est de l'interprétation ou est-ce que vous continuez à recevoir des données aujourd'hui sur Gravity ? Alors, les données ont été enregistrées. Ce qu'il y a, c'est que malheureusement, nous sommes sur Terre et on observe un objet qui n'est pas observable toute l'année. Donc, typiquement, alors d'abord, on se déplace dans l'hémisphère sud pour l'observer et on peut observer Sagittarius à l'étoile de fin mars, en gros, à mi-septembre, grosso modo. Voilà. Donc, la prise de données dure pendant 6 mois et puis pendant 6 mois, on travaille à interpréter les données. Donc là, ce que nous attendons, ce sont de nouvelles mesures. Ce qu'on a fait sur S2, enfin ce qu'on pouvait faire sur S2 avec les mesures actuelles, en fait, on l'a fait déjà. Et ce qu'on attend maintenant, c'est de nouvelles mesures qui vont nous permettre de mesurer cette précession dont parlait Thibaut Pommard, dont on pense qu'elle tombera dans notre escarcelle dès les premiers mois après le mois de mars. Voilà. Et ça va être une nouvelle confirmation de la relativité générale, peut-être, voilà, ou peut-être pas, on verra bien. Le suspense n'est pas franchement... Bon, normalement, ça devrait confirmer, non? Normalement, oui, mais vous savez, on est en astronomie. Hein, on observe des objets pour la première fois. Il y a un suspense au sens où on ne sait pas ce qu'on va voir. Voilà. On pense qu'on va voir un phénomène qu'on connaît bien, mais on n'est pas à l'abri d'une surprise, qu'elle soit bonne ou mauvaise, peu importe. Mais tout dépend de quel côté on se place. Mais donc, non, on est vraiment dans l'attente et dans l'expectative pour comprendre ce qu'on peut voir. On sait déjà que si de la masse invisible était présente autour de Sagittarius à étoile, ça aurait un effet sur cet effet de précession et on aurait une précession amoindrie. Donc voilà, quel que soit le type de précession que l'on mesure, ça va nous apporter une information et sur le trou noir, et sur son environnement, et sur la relativité générale. Vous voyez, c'est une information riche. Françoise Combes, sur... Oui, en fait, je pense que la probabilité qu'il y ait de la matière invisible près de Sagittarius est presque nulle. Je ne voulais pas casser le suspense non plus, mais bon. Le suspense n'est peut-être pas sur l'étoile. Moi, je pense que la précession va être là. Elle est sur Mercure, on l'a bien vu. Par contre, la suspense, c'est plutôt sur le sursaut, le gaz qui tourne autour du trou noir, très très près du trou noir. On ne sait pas s'il est sur la dernière orbite stable. Apparemment, il ne l'est pas pour l'instant. Mais peut-être qu'on va découvrir d'autres gaz plus près. Et c'est ce que j'espère, en fait. Parce que pour l'instant, la conclusion, il n'y en a pas vraiment. On aurait voulu savoir si le trou noir tourne vite, au maximum de sa possibilité, ou s'ils ne tournent pas du tout. Et en fait, on pense que tous les trous noirs tournent parce que ils sont formés par accrétion et l'accrétion de gaz a du moment angulaire et donc il ne peut pas éliminer tout le moment angulaire d'un coup. Donc on pense qu'ils tournent, mais est-ce qu'ils tournent au maximum? On a trouvé dans les quasars des rotations maximum. C'est-à-dire qu'il y a un maximum, après il va plus vite que la lumière, donc il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il y a vraiment un maximum de rotation et on a vu des galaxies qui tournaient au maximum. Donc on pense qu'il est possible que Sagittarius Astar retourne aussi au maximum. Pour l'instant, les observations sont inconclusives parce que le gaz est un petit peu trop loin du centre. Mais on espère qu'il va y avoir du gaz qui va tomber un peu plus près du... Enfin, je pense que ça va peut-être prendre plusieurs années. Peut-être n'est pas certain que ce soit cette année que le gaz soit plus près du trou noir. Guy Perrin. Et la géométrie, malheureusement, n'est pas favorable. C'est-à-dire que, alors, sauf si on s'est trompé, ce qui serait formidable, on a l'impression qu'on voit, enfin, d'après nos mesures... Il n'y a que les astrophysiciens qui sont contents de se tromper, en fait. Oui, c'est une nouvelle découverte quand on se trompe. En fait, on a été très surpris de voir avec nos mesures que nous voyons le trou noir probablement par les pôles. Voilà, par le pôle, excusez-moi. Il se trouve que quand on voit le trou noir par le pôle ou quasiment par le pôle, en fait, les effets dus au taux de rotation du trou noir, en fait, sont moindres. Voilà. Et très difficilement détectable, voire quasi nul. Voilà. Donc, il y a cette difficulté-là. Pour arriver à contraindre le taux de rotation, comme le disait Françoise, en fait, il faudrait mesurer les sursauts qui sont plus proches de Sagittarius à étoile et qui excluent l'hypothèse, parce que trop proche, que le trou noir soit sans rotation. Voilà. Et là, on dépend d'un phénomène que nous ne maîtrisons pas, puisqu'on fait avec les sursauts qu'on trouve ou qu'on observe. Et on verra bien dans l'avenir si on trouve des sursauts plus rapides, plus proches du trou noir et sans doute plus lumineux. C'est ce qu'on espère à partir de l'année prochaine. Yeah. Peut-être aurez-vous reconnu cette version du tube de Soundgarden, Black Olsen. C'est par un artiste suédois du nom de Nikolaj Dunger. Voilà un morceau qui a beaucoup plu dans ce studio à nos invités. Guy Perrin, en l'occurrence, astronome à l'Observatoire de Paris, directeur adjoint scientifique de l'Institut National des Sciences de l'Univers du CNRS et responsable France du projet Gravity. Et Françoise Combes, astrophysicienne, professeure au Collège de France, titulaire de la chaire Galaxie et Cosmologie, avec qui nous parlons tout au long de cette heure du trou noir supermassif qui est au centre de notre Voie lactée, Sagittarius A étoile. Alors nous avons parlé des mesures assez impressionnantes faites par l'instrument Gravity sur le VLT. Il y a un autre instrument que nous avons évoqué très brièvement, sur lequel j'aimerais vous entendre, qui vient d'un projet initié en 1999, un télescope par interférométrie également, encore plus grand, nettement plus grand que Gravity, qu'on a appelé l'Event Horizon Telescope, le télescope de l'événement des horizons, qui a pour but précisément de réussir à capter une image de cet horizon des événements de Sagittarius A étoile. Pouvez-vous nous en dire un mot, peut-être, Françoise Combes, de ce projet? Oui, en fait, il s'agit de interférométrie à très grande base, VLBI en anglais, et c'est une méthode d'observation qu'on observe beaucoup en radioastronomie, parce qu'il nous faut des grandes bases pour avoir beaucoup de résolution, encore plus qu'en en visible, hein, dans les cordons visibles. Donc des télescopes qui sont un petit peu partout sur Terre, donc on utilise le diamètre de la Terre pour avoir ce fameux grand radiotélescope qui a beaucoup de résolution. Et donc ça se travaille en basse fréquence, centimètres longueur d'onde, depuis très longtemps, hein, depuis 30 ans. Et on s'est aperçu que, justement, ces quasars qu'on observe dans basse fréquence, il y a une scintillation de l'atmosphère, pas de l'atmosphère de la Terre, mais de l'atmosphère interstellaire. Donc du milieu ionisé interstellaire, il y a des électrons, des protons, et ça nous fait la turbulence un petit peu comme pour l'atmosphère. On a une turbulence, mais c'est terrestre cette fois-ci. Et là, ce qui nous gêne, c'est les scintillations interstellaires. Et donc finalement, pour toutes les longueurs d'onde basses, inférieures au millimètre, ça nous limite à la résolution. Et donc c'est pour ça qu'on voudrait monter en fréquence, pour avoir une longueur d'onde 1 mm ou plus. Et c'est là que l'atmosphère nous gêne à ce moment-là. Parce que en basse fréquence, l'atmosphère est vraiment transparente, ne nous gêne pas du tout. Et 1 mm, alors 3 mm, on y est arrivé à faire de la longueur d'onde VLBI à très grande base. 3 mm, ça marche. Et ce qu'on voudrait, c'est avoir 1 mm. Donc là, interagissent beaucoup de télescopes au monde. ALMA, par exemple, qui est l'interféromètre radio millimétrique au Chili, qui est mondial. Hein, États-Unis, Europe, Japon, et à 1 mm, même à 0,3 mm, on l'observe. Mais pour faire interférer des télescopes partout dans le monde, 1 mm, c'est dur, parce qu'il faut avoir une cohérence de l'atmosphère à 1 mm, et là, il y a l'atmosphère terrestre, cette fois-ci, elle nous gêne. Donc c'est là qu'il y a l'espoir. Et là, on a vu des interférences de VLBI, de cet Event Horizon Telescope, à 3 mm, ça marche bien. Et on espère qu'à 1 mm, on aura l'image de l'ombre du trou noir. Guy Perrin, justement, là, en avril 2017, pendant 5 nuits, il y a 8 télescopes. Donc, l'EHT était relié entre 8 télescopes, puisqu'on va ajouter un certain nombre de télescopes pour augmenter encore la surface de cette interférométrie. Se sont tournés et ont visé donc Sagittarius A étoile. Que disent, est-ce qu'on a aujourd'hui analysé toutes les données qui sont récoltées? Qu'est-ce qu'elles nous disent? Ah, alors, c'est encore en cours, et pour être parfaitement correct avec vous et avec vos auditeurs, il y a le plus grand secret qui entoure aujourd'hui. Et pour cause, voilà. Parce que là aussi, les résultats qui sont très attendus furieusement. Exactement, et notamment par nous, graviciens, puisqu'on aimerait savoir s'ils trouvent comme nous. Graviciens, d'accord, c'est le nom des écoles voilà. Concurrentes. Donc on sait qu'ils ont observé Sagittarius à étoile, avec ALMA, avec le télescope au pôle sud, avec notre télescope franco-germano-espagnol, IRAM en France et en Espagne. Dans les Alpes Dans les Alpes, oui, absolument. Et ils ont observé aussi l'autre source M87. Voilà. Et on attend en fait les premières publications qui devrait arriver au début de 2019 avec cette première image de Sagittarius à étoile ou de M87, voire des deux. Voilà. Rappelez-nous ce qu'est M87. Alors M87, c'est une autre galaxie qui se trouve à avoir un cœur qui est beaucoup plus massif que Sagittarius à étoile, mais malheureusement est aussi beaucoup plus loin puisque c'est pas notre galaxie. Donc au final, les tailles des trous noirs sont à peu près comparables, celui de M87 étant, enfin je parle de taille angulaire, donc de taille apparente, celle de M87 étant plus petite. Voilà. Alors malheureusement, nous, on ne peut pas observer Gravity. M87 est mal situé. On ne peut pas observer M87. Donc c'est pour ça qu'on observe que Sagittarius à étoile. Voilà. Donc, écoutez, on est dans l'attente de ces résultats. Des bruits circulent. Donnez-nous un aperçu de ces déjà, bruits. Déjà, il y a des données. Il y a des données et ils ont obtenu un résultat. On ne connaît pas la nature exacte du résultat. Voilà. Donc je peux pas vous en dire plus. Il y a un certain frétillement et donc il doit y avoir un excellent résultat. C'est comme l'a rappelé François, c'est une technique qui est compliquée parce que vous avez les effets du milieu intergalactique interstellaire qui vient compliquer les mesures. Donc il faut prendre en compte ces données-là. Et il y a aussi, vous êtes aussi très dépendant de la météorologie et de la qualité de l'atmosphère au moment où vous avez observé. Voilà. Donc il y a un traitement de données important qui est à faire avant d'aboutir à une image. Et ce que je peux vous dire, c'est que différents groupes sont en train de travailler à la reconstruction de ces images indépendamment pour s'assurer que l'image reconstruite au final sera bien la même vue par l'ensemble de ces groupes. Voilà. Donc le suspense est à son comble. Il y a un travail très très très important de reconstitution de données, de big data qu'il faut peut-être noter ici en deux mots. Françoise Combe travaille en interférométrie à cette échelle-là. C'est une collaboration internationale puisque ils sont partout dans le globe. Et puis cette interférométrie, c'est vraiment très très complexe. Il y a des longueurs d'onde vraiment très difficiles à calculer, donc je pense que c'est très complexe. Enfin, je n'ai pas calculé du tout, mais je pense que c'est très complexe. Peut-être, est-ce qu'on peut espérer, dans le meilleur des cas, imaginer obtenir une observation, une image directe du disque d'accrétion de Sagittarius à étoile? Est-ce que c'est ça qu'on espère concrètement? Oui, c'est exactement ça. Il y a de l'émission synchrotron, c'est-à-dire l'émission du gaz ionisé dans un champ magnétique. Le champ magnétique est très fort, certainement. Donc cette émission, même en radio, millimétrique ou à n'importe quelle longueur d'onde, on a une très forte émission. Et puis, il y a aussi l'ombre du trou noir qui est un petit peu plus grand que l'horizon et qui est due au fait que les rayons lumineux sont déviés par lentille gravitationnelle. En fait, le trou noir est fait un effet de lentille. Donc on devrait voir une ombre noire entourée d'un espèce de halo lumineux qui fait un petit peu la forme d'un chapeau mexicain, qui est simplement dû, enfin on a simulé tout ça, hein. Par simulation numérique, on peut savoir quelle est la forme du disque d'accrétion, qui sera pas juste comme un disque autour d'un point, mais à cause de cet effet de distorsion de la lumière par le trou noir, ça a l'effet d'un halo, d'un chapeau mexicain. En fait, on voit le disque d'accrétion par-dessus. Et sur le côté, en fait. On va essayer de vous trouver des images pour vous les poster sur le fil Twitter de l'émission. Il y avait eu pas mal de travaux de reconstitution également auxquels Kip Thorne avait beaucoup participé pour qu'on ait une image, une représentation vraisemblable de ce que cela donnerait dans le domaine du visuel si on pouvait l'observer directement dans l'espace. Peut-être un mot, Guy Perrin, sur cette image, cette observation directe du disque d'accrétion. Écoutez, c'est fantastique parce que d'abord, les deux instruments arrivent au même moment. Voilà. Et donc on n'est pas obligé d'attendre 10 ans qu'un nouvel instrument arrive et puisse confirmer, infirmer, compléter, etc. les mesures d'un autre instrument. Donc ça déjà, c'est formidable. La deuxième chose, c'est qu'on observe des choses qui sont très complémentaires. L'Event Horizon Telescope va observer le gaz autour de Sagittarius à étoile. Nous, on observe des étoiles qui ne peuvent pas être vues par l'Event Horizon Telescope. Donc l'observation que nous avons faite de S2 ne sera pas faite par l'Event Horizon Telescope. Et nous voyons des sursauts, donc issus du même gaz. Voilà. On ne sait pas encore si l'Event Horizon Telescope pourra les voir, c'est-à-dire pour avoir des temps de pause aussi courts que ce qu'on peut faire avec Gravity. Donc les deux vont être complètement complémentaires. On va pouvoir comparer nos données, on va pouvoir mieux comprendre aussi. Il est quasiment certain qu'au final, pour bien comprendre Sagittarius à étoile, on aura besoin des deux. Voilà. Et donc quand Françoise étudiera Sagittarius à étoile, elle utilisera et Gravity et l'Event Horizon Telescope. Voilà. Et tout ça arrivant en même temps, on peut pas rêver mieux, franchement. Et pas uniquement, puisqu'il y a un autre, radiotélescope qui a observé Sagittarius A-étoile. C'est le télescope d'Afrique du Sud, MERCAT. Peut-être que vous pouvez nous en dire un mot, Françoise Combes, parce que là, par exemple, on a une image qu'on va là aussi vous poster sur le fil Twitter de l'émission. Est-ce que vous pouvez nous commenter cette ça, image? C'est une première image, première lumière en fait de MERCAT. MERCAT, c'est un précurseur de SKA, le Square Kilometer Array, dont on parlait justement vendredi dernier. Il y a une journée spéciale en France pour cela. Et c'est le futur, c'est-à-dire SKA, c'est vraiment une taille d'un kilomètre carré, donc énorme, 1 million de mètres carrés. Et donc il y aura une sensibilité énorme dans les basses fréquences, alors beaucoup plus basses fréquences, centimètres, mais mètres, par rapport aux millimètres qu'on disait. Donc très basse fréquence. Et donc MERCAT est un précurseur en Afrique du Sud, qui a peut-être une trentaine d'antennes, mais il y en aura 200 après. Et il a vu le centre de la galaxie. Alors on voit du gaz synchrotron, mais très loin du trou noir. Hein. Il n'a pas encore la résolution pour voir le trou noir. Mais il voit le gaz qui est vraiment autour. Mais beaucoup plus loin que le disque d'accrétion. Hein. Il s'agit des nuages, enfin il y a des champs magnétiques, on voit des filaments, des arcs, voilà, des arcs, on voit un certain nombre de filaments. C'est ce qu'on connaissait avec le VLA, qui est aussi un interféromètre basse fréquence américain, qui avait déjà montré, ce sont des filaments d'origine magnétique, et on en voit avec une très très haute précision avec MERCAT. Oui. Un commentaire justement sur cette image de MERCAT, Guy Perrin. Alors en effet, on est à des échelles qui sont bien plus grandes que celles de Sagittarius à étoile, que celles de l'Event Horizon, pardon, ou de Gravity. Peut-être, c'est l'admirateur qui nous le dira, mais peut-être qu'on aura des études intéressantes qui vont coupler ces différentes échelles pour comprendre justement le champ magnétique dans la galaxie. Le champ magnétique, ça reste quand même un mystère encore. Comprendre d'où vient ce champ magnétique et quelle est sa physique. Voilà, donc coupler toutes ces échelles et toutes ces informations à toutes ces échelles, ça va donner une grande richesse, oui. Et ce qu'on voit aussi, c'est tout près du trou noir, alors à une échelle un peu intermédiaire, on voit du gaz qui tombe dessus, du gaz ionisé. Il y a une spirale à trois bras, très caractéristique. On la voit presque de face aussi, ce qui renforce un petit peu l'idée que Gravity a vu un disque d'accrétion peut-être vu de face. On voit une spirale à trois bras, alors que si c'était vu par la tranche, on ne la verrait pas. Elle serait très aplatie. Donc on voit une spirale à trois bras qui tombe. Je pense que MERCAT, là, quand on regarde au centre, la voit. On voit beaucoup de champs magnétiques aussi dans cette spirale, mais c'est du gaz ionisé qui alimente le trou noir. Donc on espère que bientôt, il va être actif. Peut-être, pour conclure, on arrive dans les dernières minutes de cette émission. On parle de Sagittarius à étoile depuis le début comme si c'était aujourd'hui une réalité physique attestée. Est-ce qu'il faut faire comme cela, c'est-à-dire dire finalement ce trou noir aujourd'hui, le faisceau de présomption est tellement important qu'il n'y a plus suffisamment de place pour un doute et pour se dire qu'il y a un autre objet, ou est-ce que il faut tout de même garder quand même un peu de précaution scientifique et dire on n'a pas encore les moyens physiques, observationnels et calculatoires d'attester qu'il s'agit exactement de l'objet dont on parle depuis le début de cette émission, Guy Perrin. Alors, il faut toujours faire attention et être précautionneux. Enfin, si vous voulez, maintenant, on a une échelle telle de Sagittarius à étoile qu'on a du mal à trouver une alternative au trou noir. On n'a pas encore prouvé... on n'a pas encore apporté la preuve ultime qu'il s'agit d'un trou noir. Il faudrait qu'on montre, qu'on prouve qu'il y a bien un horizon des événements. Alors ça c'est vrai. Maintenant, trouver un autre objet de 4 millions de fois la masse du Soleil environ, qui soit circonscrit dans un diamètre aussi petit que celui trouvé par Gravity grâce à l'observation des sursauts, c'est très compliqué. Quand vous vous adressez à des théoriciens, ils peuvent vous inventer vous décrire des objets théoriques, bien sûr. Je pense par exemple à l'étoile à boson. Mais on a du mal à faire exister ces objets-là. L'étoile à boson, en deux mots, pardon. Une étoile à boson, c'est comme une étoile. Donc c'est une boule de matière, mais composée de bosons, qui a des, quand on la simule justement par calcul, a des propriétés qui ressemblent à celles d'un trou noir. Mais on a du mal à fabriquer une étoile à boson qui dure aussi longtemps que l'âge de Sagittarius à étoile et qui arrive à rester étoile à boson. On pense que, alors tout d'abord, on n'a pas le boson qu'il faut. Il faudrait un boson plus massif que le boson de Higgs, par exemple. Donc c'est déjà une première difficulté. Et l'autre difficulté, c'est que cette étoile à boson, placée dans un flot d'accrétion, en fait, s'effondrerait en trou noir. Vous voyez, donc on a du mal à trouver des objets alternatifs qui puissent correspondre aux caractéristiques qu'on mesure aujourd'hui de Sagittarius à étoile. Voilà. Et puis il y a d'autres arguments qui militent pour le trou noir. Si c'est pas un trou noir, il y a forcément une surface. Et s'il y a une surface avec un flot d'accrétion, le flot d'accrétion vient s'écraser entre guillemets sur cette surface et rayonner de l'énergie. Cette énergie, on ne la voit pas. Voyez. Donc les hypothèses contradictoires par rapport à celles d'un trou noir sont quand même difficiles à trouver et à faire tenir longtemps. Voilà. Mais on n'a pas la preuve ultime encore. François Scombe. Oui, en effet, je suis tout à fait d'accord. On peut imaginer des tas d'hypothèses, mais toutes les hypothèses vont s'effondrer en très peu de temps. Donc même les étoiles gigantesques, etc., mais tout s'effondre très rapidement en trou noir de toute façon. Quelle que soit la matière dont c'est fait, ça va devenir un trou noir. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, parce qu'on sait que finalement, il est parfois plus difficile d'observer notre propre galaxie, compte tenu du fait que nous sommes à l'intérieur, que les galaxies qui nous entourent. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a d'autres trous noirs supermassifs qui sont étudiés avec autant d'attention, avec autant d'efforts que Sagittarius A étoile? Est-ce qu'on peut avoir accès plus rapidement, finalement, à des trous noirs supermassifs qui seraient en dehors de notre galaxie, Guy Perrin? Alors la réponse est très rapide. Non, sauf M87. Voilà, le seul trou noir supermassif, parce que la taille d'un trou noir dépend linéairement de sa masse, donc est proportionnelle à sa masse. Voilà. Donc si vous voulez avoir un trou noir avec une extension angulaire suffisante, bien, il faut une masse très importante qui se trouve au centre des galaxies et donc à des distances très impressionnantes. Voilà. Donc le seul autre candidat, c'est M87. Oui, mais c'est 87 dans la main de la Vierge, donc il est à peut-être 10 à 20 fois plus loin que Andromède. On aurait pu penser la galaxie la plus proche, c'est Andromède. Il y a 30 fois plus, enfin un trou noir 30 fois plus massif que le nôtre. Mais c'est pas un milliard de masse solaire, c'est 100 millions. Donc c'est pas suffisant par rapport au ratio. Presque, moi je dirais que presque quand même, 100 millions, 1 milliard, il y a facteur 10, la distance aussi. Donc peut-être qu'on pourrait s'intéresser à Andromède, qui on s'y est intéressé, on a regardé un peu le gaz qui tourne autour, les étoiles autour, mais bon, pour l'instant, les mouvements propres ne sont pas assez. Mais avec Gaïa, on a des mouvements propres d'étoiles, en fait. Donc on va peut-être pouvoir faire un travail semblable à Sagittarius A-Star sur Andromède. Andromède n'est pas très active non plus. Donc l'avantage de Messier 87, c'est que c'est un quasar, il y a un jet radio, il est actif, il y a de la matière qui tombe. Donc c'est un avantage, mais quand même, peut-être il faudrait réhabiliter un peu Andromède, qui pourrait être étudié. En fait, avec un Event Horizon télescope qui aurait d'autres télescopes, mais en orbite autour de la Terre, donc avec une résolution plus importante, on pourrait aller chercher des trous noirs comme ça, d'extension angulaire un peu plus petite. Voilà. Mais il va falloir encore attendre un peu longtemps. Ouais. Et envoyer quelques télescopes supplémentaires en orbite. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux, d'être venus nous parler de Sagittarius A étoile. Merci, François Scombe. Merci, Guy Perrin. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Antoine Beauchamp, Céline Lezen, Tom Mundenstock, Eve Etienne, Noémie Naguette-Saint-Vulfranc, Olivier Bétard à la réalisation, Jacques Cazubert aujourd'hui à la technique. Dans le prochain épisode de La Méthode Scientifique, demain, nous nous intéresserons à l'art et à la machine quand les humains demandent aux intelligences artificielles de produire des œuvres. C'est l'émergence de l'artiste artificiel, où, comment et surtout pourquoi. On en parle demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.